Serena se trouvait dans cet état d'expectative exaltée qui caractérise certaines attentes capitales. Elle ne savait rien de Melchior, ni de ce qu'il vivrait ce soir, mais elle sentait, au-delà de toute raison, qu'elle venait de franchir la frontière au-delà de laquelle elle était libre. Tout était irrémédiablement derrière elle, les ordres, Brugge, cette maison, cette île immobile. Melchior n'était peut-être que le passeur, que le symbole d'un monde entièrement contenu dans le présent, et dont les lendemains ne seraient plus jamais identiques. Lorsqu'il arriva, à pas lents, à l'heure où le chant des insectes émergeait du silence, elle apprécia sa chemise blanche, son parfum, le grain de sa peau. Il était soudain plus réel que tout le reste du monde. Plus réel même que n'avait été Brugge, avec qui elle avait l'impression d'avoir vécu une sorte de rêve. Elle l'accueillit dans le jardin, et Melchior, en voyant son expression à la fois grave et exaltée, se demanda fugitivement s'il parviendrait à la contrôler. Ils restèrent presque silencieux jusqu'à ce qu'elle l'ait emmené dans le salon. Son silence, son absence de manière sociale, le déroutaient. Il s'était imaginé brusquant les simagrées d'une femme mal à l'aise. Mais elle n'était nullement mal à l'aise. Au contraire, elle irradiait une sorte de puissance. Ses yeux reflétaient une assurance qui n'était pas due à sa beauté, mais à autre chose. « Vous êtes un peu dérouté ?» demanda-t-elle. Il sourit, en partie en se moquant de lui-même. Oui, il était dérouté. Comment avait-il pu imaginer prendre le contrôle sur une femme aussi libre qui imposait si calmement une parole nue? « Oui, décida-t-il d'admettre, je ne suis pas habitué aux femmes telles que vous. Je ne sais jamais comment répondre à vos questions. » Elle sourit à son tour d'un étrange sourire sérieux. « Vous n'avez pas l'habitude d'être sincère, » dit-elle. « Vous vous contrôlez toujours. Avec moi, vous n'y êtes pas obligé. » « Serais-je sincère en vous disant que vous m'impressionnez et que j'ai envie de faire l'amour avec vous ?» Elle le fixa sans fausse pudeur, sans surprise, sans animosité, juste avec cette étonnante sincérité. « Je ne sais pas si vous avez vraiment envie de moi en cet instant, ou si vous souhaitez juste changer de scène, passer un rôle que vous connaissez mieux. » « Suis-je si transparent ?»« Pour cela, oui. Voulez-vous boire un peu de vin ?» Melchior avait capitulé. « Oui, » dit-il d'une voix qu'il ne se connaissait pas. « Vous savez, je suis au courant pour votre mère, » dit-il en servant deux verres d'un vin ambré. Melchior la regardait, si sibylline, et songea que ce vin était sans doute un filtre ou un poison. « Ma mère était dissidente, » s'entendit-elle dire. « Elle a été effacée lorsque j'avais 14 ans. Mes sœurs et moi avons été déplacées très souvent depuis. Vous vous en tenez à la version officielle ?»« Non. » Dans la version officielle, je ne parle pas du tout de ma mère. Mais dites-moi, quelle autre version voulez-vous entendre? Je me fiche de la dissidence de votre mère, c'est de la vôtre, celle des vivants, que je voudrais vous entendre parler. Melchior but une gorgée réconfortante de vin et se passa la main sur les yeux. Même si vous me plaisez énormément, je ne prendrai pas le risque de jouer à ce jeu de la vérité avec une parfaite inconnue. Vous avez raison, dit-elle. Excusez-moi, c'est vrai. « Vous n'avez aucune garantie de ma discrétion. » Elle avait l'air là, comme si ses précautions, ses méfiances l'accablaient. « Je veux tellement sortir de ce type de rapport, » se justifia-t-elle, « que j'en oublie toutes les règles de la bienséance. Je vous entraîne ici et je vous fais parler de sujets mortels. Et en plus, » dit-elle en souriant, « je vous en veux de vous taire. »« Vous m'en voulez ?»« Oui, » dit-elle en riant. Il se sentait séduit, incapable de résister, et paradoxalement hyper conscient du danger qu'elle représentait. Faut-il accepter de risquer sa vie pour passer la nuit avec vous? La question plut à Serena. Peut-être. Il n'y a plus que les choses pour lesquelles on risque sa vie qui m'intéressent. Risquez-vous la vôtre? Oui, répondit-elle simplement. Je m'apprête à entrer en dissidence. Son aveu laissa Melchior sans voix. Pourquoi me dites-vous cela? Finit-il par dire. Pour que vous me fassiez confiance. Parce que j'en ai assez de jouer la comédie, et parce que je pense, peut-être à tort, que vous ne me trahirez pas. » Melchior but une nouvelle gorgée de vin. « Ma sœur aînée est paranoïaque. Si elle nous voyait, elle penserait probablement que vous êtes un membre de l'autorité, que vous me séduisez pour mieux m'abattre, et elle me conseillerait assurément de prendre mes jambes à mon cou. » Serena eut un petit rire triste. « Savez-vous qui est le chef de cette île ?» Les yeux de Melchior s'écarquillèrent, mais Serena ne parut pas le remarquer. Elle but une autre gorgée de vin et éclata de rire. « C'est tellement grotesque, » dit-elle. « C'est Olga. » Melchior eut une bouffée de chaleur eut besoin de quelques secondes pour reprendre ses esprits. « Comment le savez-vous ? » ?»« Léandrine fait partie de la dissidence. Il est mourant, vous savez, je ne trahis qu'un secret éphémère. » Tout s'emboîtait et s'éclairait dans l'esprit de Melchior. Il connaissait cette sensation, celle de la lumière qui se fait, et il ne douta plus de ce qu'elle disait. Seule la vérité pouvait avoir un tel pouvoir éclairant. « Est-ce que je vous impressionne toujours ? » demanda-t-elle d'un air soudain lascif. « Plus que jamais, » dit-il avec une pointe d'admiration. « Est-ce que vous me faites confiance ? » ?»« Oui. » « Est-ce que vous avez toujours envie de moi ?» Il ne répondit pas, mais se pencha sur elle. Tandis qu'il s'embrassait et se déshabillait dans les vapeurs ambrées du vin, Melchior, avant de perdre conscience, songea que cette femme qu'il allait perdre le hanterait jusqu'à la mort.